N'écoute pas ce que disent les gens, le prince charmant n'est qu'une légende. Crois pas que l'homme est bon, juste parce que leurs promesses sont alléchantes. C'est vrai, j'ai un cœur de pierre et t'es la seule qui peut le briser. Garde ton sourire comme seul remède quand le moral est épuisé. J'ai du respect pour ta mère, elle s'est battue pour te mettre au monde. J'ai des étoiles au-dessus de la tête, mais j'admire celle qui porte mon nom. Tu m'apportes un second souffle quand les soucis me prennent à la gorge. Tu sais, il me manque le temps quand pour dormir tu te posais sur mon torse. Sais-tu que le temps passe vite et dans ma tête rien que ça cogite. Rien à foutre que ça jacte, un son pour toi, je trouve ça logique. Les années passent, je te vois grandir, je me dis que la vie est si précieuse. J'ai pas besoin de voir plus que le bonheur dans tes yeux. Je peux plus vivre sans ces quatre lettres à la pensée, mes cicatrices. C'est ma princesse et grâce à toi, je sais que le bonheur n'est pas factice. J'ai appris de mes erreurs, t'as su apaiser ma folie. Tu m'as rendu la vie plus belle, mais c'est bien toi la plus jolie. En quelques mots, tout ce que j'ai sur le cœur. Pour toi, je m'écarte du mal, car j'ai du mal à me sentir bien sans ton odeur. T'es comme on pèse mes cœurs. Crois-moi, sans toi, la vie me fait peur. Sur une prod de Ben Maker, j'étale mes sentiments, mes peines, mes cœurs. J'ai pas le bras long, mais je pourrais te décrocher la lune. Écoute-moi bien, chérie, ta mère, car une mère, on en a qu'une. Je veux pas te mentir, c'est tardivement que j'ai pris mon rôle de père. Il est vrai que je cours après le temps. J'ai l'habitude de le perdre. Je passe des journées devant la télé, je vois nos vies défiler. C'est grâce à toi si je suis passé entre les mailles du filet. Je t'écris ce texte, la boule au vent, je t'avoue que c'est pas si facile de se mettre à nu, je veux pas que tu penses que ton père est fragile. Et si un jour t'as besoin d'une pause ou besoin de causer, n'oublie jamais que sur mon épaule tu peux te reposer. N'oublie jamais que la vie sans toi, j'aurais du mal à supporter. Mais c'est bien toi la plus jolie. C'est bien toi la plus jolie.